cale en otage. Clashé, soit du rap, tu t'étouffes. Alchimie entre moi et mes sons, tu sais pourquoi ça démonte. Je suis l'homme idémon. Quand je rappe, je mets tout, je transforme ton or en plomb. J'ai pris le game local en otage, clashé sous les ponts. Je suis sceptique, les esquisses de pensée positive m'épuisent. Le mal m'aseptise et je trouve Lucifer sexy. Je m'ouvre et le sang m'excite, ça coule, j'ai plus aseptise. Je goûte, c'est exquis, cool, je t'explique. Je me plie aux volontés de la vie, je suis trop flexible. Je crie au effort que les MC sont mes futurs ex-cibles. Les pharaons, les talents pourris font sourire. Mais j'oublie souvent que tout finit par fan et que tout finit par mourir. Je peux casser la gueule en mettant juste un pied devant l'autre. Où je saute, les pieds joints dans la merde, quitte à faire une faute. Pause, je respire en attendant, je reste pire. Le rap c'est pas un prestige, m'en citant tant que je l'estime. Balance un 16 pour rap, avec un peu de courage. Test qui pourra et franchement Sartek pourra. Hey, je véhicule des idées malsaines, on est d'accord. Ma dernière scène sera un featuring avec la mort. Alchimie entre moi et mes sons, tu sais pourquoi ça démonte. Je suis l'homme idémon. Quand je rappe, je mets tout, je transforme ton or en plomb. J'ai pris le game local en otage, clashé sur les ponts. Soit du rap, tu t'étouffes. Alchimie entre moi et mes sons, tu sais pourquoi ça démonte. Je suis l'homme idémon. Quand je rappe, je mets tout, je transforme ton or en plomb. J'ai pris le game local en otage, clashé sur les ponts. Alchimie entre moi et mes sons, entre mes tasses et mon pilon. Je suis l'homme idémon, je transforme ton or en plomb. Tu veux des plans, zéro de ces dettes, c'est bidon. T'as une autre liquide, on met non MC rap et caresse-toi les tétons. J'ai l'accent mais ça s'entend pas quand je parle. Oh ici c'est tellement type que la banlieue c'est la campagne. Gros, si on se la pète c'est que j'ai balancé une bête de prod. Puis si ça tourne c'est forcément qu'il y a une paire de pros. Deux ou trois verres, deux ou trois taf, et je me sens mieux. Je renouvelle tous les quarts d'heure, faut que je meure avant que je me sente vieux. Je vous présente mes voeux, MC c'est l'année, c'est cool sans fin du monde. Ma team aura les bombes qui nettoieront les ondes. T'as voulu me tester soit, mais dis-moi c'est what qui a voulu me gazer avec une phase où t'as mis tout en swag. Je kill à l'aise au mic et les wax sont tous dégoûtés. Tranquille sur du 90 BPM, à vous c'est tout step. Alchimie entre moi et mes sons, tu sais pourquoi ça démonte. Je suis l'homme idémon. Quand je rappe, je mets tout, je transforme ton or en plomb. J'ai pris le game local en otage, clashé soit du rap, tu t'étouffes. Alchimie entre moi et mes sons, tu sais pourquoi ça démonte. Je suis l'homme idémon. Quand je rappe, je mets tout, je transforme ton or en plomb. J'ai pris le game local en otage, clashé sous les ponts. Alchimie entre moi et mes sons, tu sais pourquoi ça démonte. Je suis l'homme idémon. Quand je rappe, je mets tout, je transforme ton or en plomb. J'ai pris le game local en otage, clashé soit du rap, tu t'étouffes. Alchimie entre moi et mes sons, tu sais pourquoi ça démonte. Je suis l'homme idémon. Quand je rappe, je mets tout, je transforme ton or en plomb. J'ai pris le game local en otage, clashé sous les ponts. UHD, UHD.